La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Bonjour et très belle année à toutes et à tous. Et pour démarrer cette nouvelle année, nous vous proposons de partir sur la piste d'un animal qui occupe une place à part dans notre imaginaire, l'ours, du rassurant ourson en peluche des petits à l'ours polaire devenu symbole de la menace que fait peser le changement climatique sur la biodiversité, en passant par l'ours des Pyrénées qui suscite des débats enflammés. Le plantigrade est au cœur de bien des passions. Et ce n'est pas notre invité Rémi Marion, explorateur, réalisateur et écrivain, qui dira le contraire. Depuis plus de 30 ans, il parcourt le monde pour observer les ours dans leur milieu naturel. Il rencontre aussi les hommes qui les côtoient et les scientifiques qui les étudient. Dans son dernier livre « L'ours, l'autre de l'homme » paru chez Actes Sud et Arte Éditions, il raconte ce que ses années passées sur la piste des ours lui ont appris et il va partager son expérience avec nous cet après-midi. Caroline Tourbe, bonjour. Bonjour. À la une de la science aujourd'hui, la mission Osiris Rex. Oui Daniel, après 2 ans de voyage dans l'espace, la sonde spatiale vient de se mettre en orbite autour de l'astéroïde Bennu, un gros caillou de 500 mètres de diamètre. Observation, exploration, récolte d'échantillons, la vraie mission d'Osiris Rex ne fait que commencer. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique Santé polémique du docteur Dominique Dupagne. Voilà pour le sommaire de cette tête au carré, réalisée par Clément Nouguier et préparée par Mathieu Aoued. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé. Bonjour Rémi Marion. Bonjour. Vous êtes passionné par les ours, les légendes, les croyances qui les entourent, mais aussi par les études scientifiques actuellement en cours sur la physiologie de cet animal. C'est prodigieux ce qui se passe dans le corps d'un ours lorsqu'il entre en hibernation. C'est vrai que l'ours est un animal très particulier et ce qui se passe dans son corps justement est complètement unique. Et souvent on parle d'autres animaux hibernants comme la marmotte par exemple. Eh bien la marmotte, c'est pas du tout pareil. Donc l'ours est vraiment un animal très très particulier aussi qu'on retrouve dans toutes les cultures et quand on commence à étudier sa physiologie là c'est pareil, on retrouve des choses tout à fait uniques chez cet animal. Et comprendre ces mécanismes physiologiques, ça pourrait avoir des applications en médecine. Oui, complètement. Et là, il y a des scientifiques français qui y travaillent, mais aussi de nombreux scientifiques scandinaves et nord-américains. Et c'est vrai que ça pourrait amener, évidemment, en gagnant, je dirais, le temps de l'évolution, parce que c'est le propre de la bio-inspiration aussi quand on étudie les animaux. Eh bien, c'est de se dire, on va gagner des quelques années de travail en étudiant les animaux qui vont peut-être nous donner des solutions. Vous allez nous raconter ce que vous avez appris en suivant les scientifiques sur le terrain. On aura aussi l'occasion de parler des ours polaires. Rémi Marion nous emmène à la découverte des ours dans la tête au carré cet après-midi sur France Inter. We have arrived. L'enthousiasme des chercheurs à l'arrivée de la sonde Osiris Rex, c'était le 3 décembre dernier. La sonde arrivait à proximité de l'astéroïde Bennu. Et c'est notre sujet de Une de la Science, Caroline. Oui, Daniel. Nous sommes en ligne avec Patrick Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Et vous êtes membre de l'équipe scientifique de la mission Osiris Rex. Alors, on l'a entendu, la sonde s'est approchée, elle est à proximité de l'astéroïde. Ça a dû être une émotion incroyable. Ah oui, c'est toujours des grands moments parce que c'est quand même quelque chose qu'on attend depuis le lancement, donc qui s'est produit en 2016, le 8 septembre, et on attendait avec impatience d'arriver à proximité de ce tout petit objet. Donc vous avez vu un petit point apparaître sur vos écrans, grossir au fur et à mesure, et là on en est où alors? Quelles sont les nouvelles? Alors là, les nouvelles, c'est qu'on a des images en quand même très très bonne résolution. Donc c'est un objet qui fait à peu près 500 mètres de diamètre, donc très petit dans l'espace. Et on a une résolution de l'ordre de 30 cm par pixel, par petit point de la caméra. Donc on commence à découvrir en fait un nouveau monde, parce que c'est la première fois que l'on va explorer un corps aussi petit. Et qui en plus les propriétés qu'on espère vont être très très intéressantes pour répondre aux grandes questions. Et on est un petit peu comme des explorateurs qui arrivons sur un tout nouveau territoire. Et donc il y a plein de choses qu'on comprend évidemment pas. On est en train vraiment de découvrir et ça c'est absolument génial. Et alors qu'est-ce qu'on voit sur ce nouveau monde inconnu ? Alors en fait c'est un monde qui est très noir, il est très très sombre, hein, il réfléchit à peine 4% de la lumière, donc c'est vraiment, vous allez sur la route, là, l'asphalte, il est même plus clair que l'astéroïde, donc déjà il est très très noir, et il est plein de rochers. C'est quelque chose qui était, on soupçonnait que ça allait être le cas parce qu'on avait déjà eu une petite expérience là-dessus, mais qui est toujours un petit peu troublant parce que ce sont des objets qui ont très peu d'attraction, hein, de surface, ils attirent pas, parce que 500 mètres de diamètre, en m'excitant là sur ma chaise, en faisant rien que ça, je ne retombe pas sur l'astéroïde. Ah oui. Parce que, voilà. Il y a donc, très peu d'attraction. Très peu d'attraction. Et du coup, pourquoi il y a autant de rochers et comment est-ce qu'ils peuvent rester là? Donc ça, c'est une première chose. Et on a aussi eu une première donnée très intéressante, c'est qu'il a ce qu'on appelle la bande de l'eau, c'est-à-dire une bande d'absorption dans les données. Ça veut dire que il a des minéraux qui sont hydratés. Donc ils n'ont plus vraiment de l'eau à l'état liquide, mais ils ont vu l'eau, un petit peu comme des argiles. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de vérifier si le rôle qu'a joué les astéroïdes, qu'ont joué les astéroïdes dans l'apport de l'eau sur Terre, notamment. C'est l'une des missions d'Osiris-Rex, mais ce n'est pas la seule. Hein. Mais je crois que la sonde a une mission très importante, c'est qu'elle va aller prélever des échantillons, se poser sur l'astéroïde. Et l'année 2019, c'est justement l'année qui va préparer cet atterrissage sur l'astéroïde. Vous allez vous approcher de plus en plus, essayer de trouver le meilleur endroit? C'est ça. Alors en fait, donc déjà on fait des survols en ce moment pour à basse altitude, genre 7 km de la surface, qui est vraiment peu, pour mesurer le champ de gravité, c'est-à-dire la masse de l'astéroïde. Il faut voir que c'est quand même très compliqué parce que quand on s'approche avec un satellite, donc on commence à être un peu attiré par l'astéroïde et c'est comme ça qu'on mesure sa masse. Mais en fait, il y a plein d'autres perturbations qui dominent par rapport à cette toute petite masse. C'est pour ça qu'il faut aller à très faible distance. Et en faisant ça, on fait d'une pierre de coups, enfin avec une pierre puisqu'il n'y a qu'un caillou, on mesure aussi plein d'autres choses puisqu'en étant à basse altitude, on a une plus grande résolution. Et on va faire ce petit jeu-là et notamment se mettre sur des orbites beaucoup plus basses dans la période de mars jusqu'au mois de mai pour justement caractériser l'objet en détail et commencer à voir quels sont les sites les plus intéressants pour récolter un échantillon. Parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est de ramener un échantillon sur Terre en 2023 parce que avec les instruments sur Terre, on peut avoir des mesures avec un niveau de précision qu'on est incapable d'avoir avec des instruments que l'on met sur un satellite. Et donc on va choisir plusieurs sites pour pouvoir après, alors en tenant compte bien sûr des paramètres techniques, parce que la sonde elle doit pouvoir se poser à un endroit où il n'y a pas trop de rochers, on veut pas abîmer les panneaux solaires et tous les instruments. Il faut aussi qu'il y ait autour d'elle des petits bouts de rochers pas trop gros, parce que je crois qu'elle peut pas emmener un rocher gros comme un parpaing. Hein. Non, alors voilà, alors en plus, donc il y a des contraintes techniques de sécurisation, là c'était dont je parlais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on casse la sonde, mais aussi c'est vrai que le mécanisme de récolte, il a été conçu pour capturer plutôt du sable jusqu'à des tailles de grains de l'ordre de quelques centimètres de diamètre. Donc c'est petit. Et ça, c'était basé sur nos hypothèses qui étaient que sur la surface d'un astéroïde, on aurait ce qu'on appelle du régolithe, c'est-à-dire une sorte de sable. Voilà, mais c'était une hypothèse. Hein. On est toujours quand on fait de l'exploration d'un nouveau monde, évidemment, on peut pas concevoir quelque chose qui marche pour tous les terrains, mais on ne sait pas sur quel terrain on va aller. Donc on essaie de combiner en même temps les contraintes techniques et puis les incertitudes que l'on a sur ce qu'on va trouver. Alors sur la base de ce qu'on savait de cet objet, on faisait une hypothèse, j'allais dire un peu éduquée, parce qu'on avait quelques informations à distance, mais très très sommaires, qui nous faisaient penser qu'il y aurait quand même ce type de milieu. Et puis, Osiris-Rex n'est pas le premier. Il y a peu de temps, Hayabusa est allé se poser, la sonde japonaise est allée se poser, et ça peut vous apporter des enseignements. Il y a beaucoup d'échanges entre les différentes. C'était sur un autre astéroïde, hein, oui. C'était sur Ryugu. Voilà, c'est ça. Hayabusa 2 est arrivée la première, pour le coup, les Japonais sont arrivés les premiers, sur un objet du même type spectral, comme on dit, c'est-à-dire peut-être la même composition, mais plus gros, 900 mètres de diamètre, donc le champ, la fraction est un peu plus grande, et elle a déjà déposé donc un atterrisseur franco-allemand, Mascotte, avec succès, donc c'est le premier atterrissage sur un astéroïde. La sonde elle-même n'a pas encore fait la tentative de récolte d'échantillons. Les Japonais ont fait plusieurs exercices de descente, jusqu'à 22 mètres le dernier, et donc la récolte est prévu en début de l'année prochaine. Mais Patrick Michel, exactement. Comment expliquer cette ruée vers les astéroïdes? Pourquoi ils y vont tous, toutes les agences spatiales du monde ont envie d'aller y voir de plus près? Oui, alors d'un point de vue provocateur, sauf l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, qui pour l'instant n'a aucune mission dans les cartons. Je me bats actuellement pour faire passer une mission de test de déviation d'astéroïdes, mais bizarrement, après Rosetta et toute l'expertise qu'a acquise l'Europe, il n'y a pas pour l'instant officiellement un projet qui est approuvé d'astéroïdes. Mais à part ça, pourquoi est-ce qu'il y a cette ruée? Il y a plusieurs objectifs, parce que ces astéroïdes, en fait, contiennent la mémoire de la composition initiale du système solaire et donc de tous les ingrédients qu'ont formé les planètes, parce qu'en fait, les planètes, une fois qu'elles ont été formées, elles sont très grosses, donc leur matériau a chauffé, donc il s'est transformé chimiquement, et finalement, il a perdu la mémoire de ce qu'ils étaient initialement, chimiquement, un peu comme quand on fait cuire quelque chose dans une poêle. Alors que les astéroïdes, eux, ce sont le reste des briques qu'ont formé les planètes, mais comme ils sont restés petits, eh bien, leur composition est fidèle à la composition d'origine du système solaire. Donc, ils vont pouvoir nous permettre de comprendre comment la Terre s'est formée et potentiellement comment la vie a émergé sur Terre et leur contribution, parce qu'ils contiennent, on le pense en tout cas, c'est ce qu'on va vérifier avec Osiris Rex et Hayabusa 2, de la matière organique, et on veut vérifier si cette matière organique a la même propriété que de celle du vivant qu'on a sur Terre, pour faire simple. Le retour des échantillons, c'est prévu pour 2023, donc d'ici là, vous allez observer, vous rapprocher, 2023, vous ramènerez les échantillons. Exactement. Et il y a deux autres raisons pour lesquelles on s'intéresse aux astéroïdes, c'est qu'ils représentent un risque, une menace. Hein. Alors certes, c'est le risque naturel le moins probable par rapport à tous ceux qu'on a à faire, mais c'est le seul qu'on pourrait éventuellement prédire et éviter en faisant prenant toutes les mesures qu'il faut pour ça. Et la troisième, c'est que maintenant, vous le savez aussi, il y a des gens qui s'intéressent au minage des astéroïdes, c'est-à-dire à les utiliser comme des ressources pour, par exemple, fabriquer du carburant in situ pour au lieu de l'emmener depuis la Terre, etc. On comprend, et donc, on comprend bien du coup tout l'intérêt d'aller explorer et de voir de plus près ces astéroïdes. Merci beaucoup Patrick Michel. On vous souhaite une bonne année de recherche 2019 et plein de découvertes encore sur ces astéroïdes. Ben merci à vous. Effectivement, ça va être une année très très très riche et vraiment très inspirante. J'encourage les jeunes à aimer la science parce que vraiment on peut faire des choses extraordinaires et puis ça apporte aussi un peu de rêve et on en a besoin. Ah oui, vous nous en avez apporté pour ce premier de l'an. Merci à vous, Patrick Michel et Caroline. À demain. À demain. À tout le monde, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, c'était Salignolo. La tête au carré, Daniel Fievé. Rémi Marion est l'invité de La Tête au Carré cet après-midi, réalisateur, explorateur, fin connaisseur des ours bruns et des ours blancs. Il signe chez Actes Sud et Arte Éditions un ouvrage intitulé « L'ours, l'autre de l'homme ». Cet animal exerce sur vous, Rémi Marion, une véritable fascination. Vous êtes prêt à aller dans les régions les plus reculées de la planète pour l'observer, pour le regarder vivre, pour le filmer aussi. Ça fait presque 30 ans que ça dure, cette passion avec l'ours. Vous êtes allé jusqu'où ? C'est addictif en fait l'ours, oui. Et il n'y a pas que pour moi, je pense que c'est vraiment une rencontre, cet animal, justement parce qu'il est, je dirais que c'est un animal très particulier dans son mode de déplacement, dans son approche, dans les milieux aussi dans lesquels il vit. Moi je me suis plutôt intéressé par l'ours, avec l'ours polaire au début, et puis j'ai continué avec l'ours brun, mais c'est vrai que ce sont des animaux qui sont passionnants à tellement de titres. On n'a pas fini, quoi. On commence à défiler une bobine et puis on verra jamais le bout, quoi. Puis ça fait voyager très loin, dans les endroits vraiment reculés. Ça fait très loin. Moi, j'adore le Kamchatka où j'ai eu la chance d'aller de très très nombreuses fois depuis 93. J'aime beaucoup aussi aller en Finlande, sur la frontière russe, là où on voit beaucoup beaucoup d'ours. Dans plein d'endroits, en Colombie-Britannique, j'ai des brogés aussi pour aller au Yukon, dans le nord du Yukon. Enfin, il y a plein d'endroits vraiment passionnants, ouais. Alors aujourd'hui, il faut aller les chercher un peu loin, ces ours, parce que les humains prennent beaucoup de place et finalement reculent de plus en plus les zones d'habitation de l'animal. Mais par le passé, et même avant les hommes, l'ours a colonisé, vous le dites dans votre livre, tout l'hémisphère nord. Il a eu son heure de gloire où il était omniprésent, cet ours, on peut le dire comme ça ? Oui, l'ours était partout. Alors surtout l'ours des cavernes à cette époque-là, qui a disparu il y a à peu près 10 000 ans, donc était un ours beaucoup plus gros encore celui que l'on connaît maintenant et qui était un ours essentiellement herbivore, donc qui a disparu, on dit, de la main de l'homme, mais certainement pas uniquement. Donc là, il y a des tas de recherches aussi là-dessus. Puis après, c'est l'ours brun qui est venu prendre la place. Déjà, l'ours brun occupe tout l'hémisphère nord encore maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, eh bien, il était parti où, aussi bien, je pense, dans la forêt de Fontainebleau ou ailleurs. Il y avait des ours un petit peu partout dans l'hémisphère nord. Oui, alors, c'est difficile de savoir aujourd'hui combien ils étaient, mais dans votre livre, appuyé sur des statistiques, des études scientifiques, vous dites on peut imaginer qu'il y a eu une époque où ils étaient jusqu'à 2 millions, plus de 2 millions d'individus à la surface du globe. Sans aucun doute, la population actuelle, pour l'ours brun du moins, est estimée à 270 000 individus, dont une grande partie en Russie. Mais on sait aussi que la population nord-américaine, enfin sur les États-Unis en particulier, ne représente actuellement qu'1% de la population qu'elle devait être quand les hommes sont arrivés. Donc 1%, c'est rien du tout, quoi. Donc évidemment, il a beaucoup souffert de l'extension humaine et c'est ce que j'explique. À partir du néolithique, à partir du moment où l'homme se transforme de chasseur-cueilleur en agriculteur, eh bien il a besoin d'espace, il a besoin de cultiver, et ben donc il va prendre la place des animaux sauvages. Donc l'apogée de l'ours, vous datez ça? C'est ça, juste après la dernière glaciation, peut-être il y a à peu près 10 000 ans, quoi. Et puis après, évidemment, l'homme a pris beaucoup beaucoup de place et de plus en plus de place, quoi. Combien d'espèces? Alors vous avez dit l'ours des cavernes a disparu, il était imposant. C'est l'ours des cavernes qu'on voit justement sur les parois de la fameuse Grotte Chauvet. Grotte Chauvet, tout à fait. Donc la Grotte Chauvet est un lieu tout à fait emblématique pour l'ours des cavernes. Ils ont retrouvé les ossements de 200 individus. Donc évidemment qu'ils sont morts dans cet endroit pendant quelques millénaires. Mais donc 200 individus, c'est pas rien. Mais c'est l'ours des cavernes, effectivement, qui était un ours très très massif et qui a fait des bauges aussi. On voit dans cette fameuse grotte, entre autres, la réplique que j'invite à tout le monde à visiter, qui est vraiment un endroit magnifique. Et donc là, il y a des bauges, il y a des griffades, il y a plein de choses. On voit que l'ours est venu là et il y a vécu, quoi. Les bauges, ce sont des sortes de nids, c'est ça, de trous dans lesquels se sont C'est ça, ils aiment se mettre dans la boue liquide un peu. Alors peut-être aussi, et ça, moi j'en avais parlé au Kamchatka, certainement aussi peut-être pour des raisons thérapeutiques, pour de parasites et tout ça. Mais donc, ils aiment bien passer du temps dans cette boue, dans ces bauges, quoi. Ouais. Alors, l'ours des cavernes a disparu aujourd'hui. Combien d'espèces d'ours vivent encore à la surface du globe ? Alors, il y a 8 espèces d'ours qui sont pour certaines assez emblématiques et très différentes. Par exemple, le grand panda, c'est un ours. Donc, il y a l'ours noir asiatique, il y a l'ours des cocotiers, il y a l'ours lipu, qui est un ours assez peu connu, donc qui est tout à fait spécialiste de la chasse des termites et des fourmis, qui vit en Inde. Il y a l'ours à lunettes aussi, qui est le seul qui vit en bordure de l'équateur, dans les Andes, en Amérique du Sud. Et puis donc l'ours polaire, évidemment, l'ours noir américain et l'ours brun. Alors parmi ces 8 espèces d'ours, tous n'hibernent pas ? Non, parce qu'il y en a qui ont besoin d'hiberner pour des raisons purement d'absence de nourriture pendant une période de l'année. Évidemment, les ours tropicaux, bien, ils ont de la nourriture presque tout le temps, donc ils n'hibernent pas. Mais c'est vrai que l'ours brun, les deux ours noirs et l'ours polaire ont besoin d'hiberner pour passer, je dirais, des périodes de disette. Alors, dans votre livre, vous dites « ils n'hibernent pas tout à fait ». Il faudrait dire « ils hivernent », c'est ça, ça. Alors, c'est quoi la différence entre hiberner et hiverner ? Alors ça, c'est une vaste discussion, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quand l'ours rentre dans cette période de léthargie, on va dire, d'hivernage, eh bien, sa température corporelle ne va pas descendre autant que tous les autres hibernants. Donc, il va descendre vers 34 degrés à peu près, alors que sa température, le reste du temps, est 37. Et alors qu'une marmotte ou un écureuil, eh bien, ça peut descendre à 4-5 degrés, sa température corporelle. Ça veut dire aussi que l'ours, il va pouvoir sortir pendant l'hiver, s'il y a un redoux, si les conditions météo le permettent, il va dire, bah tiens, il fait beau, je vais aller faire un tour, quoi. Donc, c'est pas du tout les mêmes conditions, et c'est ce qui, évidemment, vont induire toutes les recherches dont on parlera sur la physiologie. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est étonnant ce qui se passe dans le corps de l'ours à ce moment-là. Oui, alors c'est complètement étonnant, et là on en apprend, je dirais, presque tous les jours, justement suite aux recherches qui sont menées, en particulièrement en Suède, parce que bon, on sait qu'il y a des périodes de transition qui sont très importantes, quand la température va baisser, que la durée du jour va se limiter, que la nourriture va disparaître et que le froid va arriver, eh bien l'ours va commencer, je dirais, à préparer son hivernage quelque part. Donc, pour l'instant, c'est des périodes de transition qui sont très très importantes, et les chercheurs qui travaillent entre autres sur le muscle en France, et les muscles des ours et par voie de conséquence le muscle des hommes, eh bien travaillent justement à ces périodes de transition, de préparation de l'hivernage. Là, ils s'engraissent à ce moment-là. Ils mangent énormément, ils préparent sa tanière, un petit nid très douillet, un mètre sur un mètre, faut que ce soit tout petit. C'est un petit cocon. C'est un petit cocon. Alors moi, j'ai eu l'occasion de visiter des tanières d'ours. Il y a des petites branches de myrtilles tout au fond, c'est tout à fait douillet. Moi, je ferais bien ma sieste. Oui, ça donne envie. Ça donne envie, c'est très douillet. Mais c'est vrai qu'il va beaucoup, beaucoup manger au mois de septembre, donc jusqu'à 20 000 calories par jour. Hein, donc c'est énorme, on ne pourrait pas se permettre. Et puis, donc, il va trouver un endroit pour passer l'hiver. Et puis, il va y avoir une période comme ça un peu transitoire, où très certainement sa flore aussi stomacale et intestinale va changer aussi. Il va se mettre en mode hiver. Toute cette période-là est vraiment très très intéressante. Ouais. C'est beaucoup de recherches. Alors là, les battements du cœur ralentissent terriblement. Il n'urine plus. Il ne se nourrit plus. Il n'urine plus. Il ne défèque plus, évidemment. Son cœur donc se réduit à peu près à 20 battements minute. Peut-être un peu moins dans certains cas. Il y a surtout des arythmies cardiaques aussi. C'est-à-dire que le cœur s'arrête de battre pendant quelques secondes, jusqu'à presque une vingtaine de secondes. Ouais. Donc tout ça, c'est très très particulier, et ce qui le rend aussi particulier, c'est que c'est un animal qui est quand même très proche de nous. Il a la même nourriture, il a à peu près la même stature, hein. Surtout les ours européens sont pas très gros, du point de vue génétique, il est aussi relativement proche, et donc c'est évidemment ce qui interroge comment un animal qui nous ressemble beaucoup arrive à avoir cette adaptation physiologique. À faire des choses que nous n'arriverions absolument pas à faire. Alors Rémi Marion, vous avez accompagné une équipe de scientifiques qui s'est justement donné pour objectif d'ausculter des ours en pleine hibernation. C'était dans le nord de la Suède. Il s'agissait de retrouver les ours en hibernation dans un paysage recouvert de neige. Ils ont localisé l'ours. La tanière est bien là. Cette petite cavité sert de refuge à l'ours durant tout l'hiver. La neige fraîche le protège et reste suffisamment poreuse pour permettre la respiration de l'animal. Yon se tient prêt avec ses fléchettes anesthésiantes. Les rangers doivent faire vite. L'ours ne dort pas complètement, même en pleine hibernation. S'il entend des coups de pelle ou si de la lumière pénètre dans son antre, il risque de se réveiller brutalement et d'étaler, en défonçant tout sur son passage. On est habitué. On connaît la procédure et l'approche à adopter. Chacun a son propre rôle. On sait exactement ce qu'on a à faire. Extrait du film « Fort comme un ours » qui sera diffusé sur Arte le 26 janvier prochain à 22h30. Film que vous avez co-réalisé, Rémi Marion. On imagine, en voyant les images et en écoutant ne serait-ce que la description de ce qui se passe, qu'il doit y avoir une tension incroyable au moment de déterrer ces ours en hibernation, mais qui peuvent se réveiller à tout moment. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même un moment un peu compliqué, on va dire. En plus, les scientifiques ont bien conscience que d'aller chercher des ours pendant l'hibernation pour des vraies raisons médicales qui peuvent soigner une partie de l'humanité, c'est vraiment justifié, on va dire. Il faut aussi prendre toutes les précautions d'usage et il faut éviter de déranger autant que faire se peut l'animal. C'est arrivé que l'ours sorte un peu comme une fusée de sa tanière et il est parti à travers vers la forêt, ouais. Mais c'est vraiment pas le but et c'est pour ça que l'équipe du Scandinavian Bear Project prend toutes ces précautions et sont vraiment des gens excessivement compétents. Et ensuite, il faut agir de façon très rapide et très concentrée. Ils ont une heure, ils sont toute une dizaine de scientifiques avec vraiment une auscultation, c'est un check-up très réglé. Il faut essayer de mesurer, de prélever des échantillons et mesurer le maximum de paramètres vitaux de l'animal. C'est ça, donc c'est un gros travail d'équipe, c'est presque un espèce de balai en fait autour de l'ours, il n'y a quasiment pas de paroles échangées entre les protagonistes. Vous avez les vétérinaires qui, eux seuls, ont accès à l'animal, c'est-à-dire pour faire des biopsies ou des prélèvements sanguins. Et vous avez les différents médecins, biologistes, physiologistes qui attendent leurs échantillons qui sont autour. Et tout ça, ça se fait vraiment dans un balai extrêmement professionnel, extrêmement concentré. Oui. Alors on va voir dans la suite de cette émission ce que ces recherches ont commencé à montrer. On est au tout début des expériences, mais il commence à y avoir quelques résultats. On va voir que ça pourrait avoir des applications en médecine. Nous allons voir ça dans un instant avec vous, Rémi Marion. Nous partons sur la piste des ours cet après-midi sur France Inter. Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé. Je chéris ton cœur, adoré. Dans un coin d'architecture manqué, un méandre de la cité. Allons bon. Cachant ta main raison que du temps a passé, je chéris ton cœur, adoré. La nuit je parle seul, je te parle tout seul. Pour te dire des choses nouvelles, je chéris ton cœur, adoré. Contournant un vaste chantier de pluie, de planches, d'acier, suspendu, songeant au sommeil mathématique des grues, je chéris ton cœur, adoré, la nuit je parle. Je parle seul, je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur, oh adoré. Choses nouvelles chantées par Bertrand Belin sur France Inter. La tête au carré, Daniel Fievé. Au moment des fêtes de l'ours, on est à peu près à mi-chemin entre l'hiver et le printemps. Et l'ours est un signe avant-coureur de la germination, de la renaissance, des instincts de reproduction qui vont se mettre en œuvre au printemps. L'ours ressemble beaucoup à l'homme, hein, c'est un plantigrade qui est debout sur ses pattes de derrière, etc. Donc il y a beaucoup de ressemblances avec l'humain. Quand on le voit à l'orée d'une forêt debout sur ses pattes de derrière, on peut penser que c'est un géant. Donc il y a beaucoup de rapprochement entre l'homme et l'ours. Mais surtout, ça a été quand même un grand prédateur et donc on l'a chassé énormément. Donc au départ, c'est un retour de chasse à l'ours qui a provoqué les premiers pas de la fête de l'ours. On fêtait quand même la victoire des chasseurs sur l'ours. La fête de l'ours en Catalogne, un extrait d'Enquête d'ailleurs diffusé sur Arte en 2014. L'ours, l'autre de l'homme, c'est le titre du dernier livre de notre invité Rémi Marion. Dans beaucoup de cultures, l'ours est un double, une sorte de frère de l'humain. Alors, qu'est-ce qui a conduit les humains à faire de cet animal leur double, Rémi Marion ? Alors c'est très troublant les relations entre l'homme et l'ours parce que déjà ça date de c'est très très ancien, c'est au moins 400 000 ans, on a des traces archéologiques enfin qui montrent que l'ours et l'homme étaient très très proches. Mais c'est vrai que avec l'ours les humains ont trouvé un espèce d'intercesseur entre les forces de la nature et la petitesse de l'homme dans ce monde naturel. Et ce qui fait que quand un ours est fêté souvent, c'est pour dire bah tu vois on t'accueille bien chez les hommes et puis quand tu vas mourir ou quand tu es mort, on t'a respecté, on t'a fait la fête, et que ton âme aille dire aussi aux forces de la nature qu'il faut que les hommes continuent à avoir à manger, puis chasser et tout ça. Et donc c'est vraiment ce lien qui est très très intéressant, cet ours qui ressemble à l'homme, mais pas tout à fait. Sauf que par exemple, quand on chasse l'ours et qu'on retire la peau, ce qui est surprenant, c'est qu'on a l'impression d'avoir un corps humain. Et c'est ça qui est aussi troublant. Et quand on voit une femelle d'ours qui va allaiter ses petits, on la voit qui prépare un siège, on va dire, et qui va donner ses tétines et allaiter ses oursons comme le ferait une femme. Et c'est aussi très troublant. Ouais. Il y a beaucoup d'expressions d'ailleurs dans la langue française pour décrire nos comportements, nos tempéraments, qui font référence aux ours. Quelqu'un de bourru, on dit que c'est un ours. Si en plus il est désagréable et impoli, on dira que c'est un ours mal léché. Ça vient d'où le mal léché ? Alors c'était un peu une légende, parce que le problème c'est que quand les oursons naissent, eh bien ils sont tout petits. Ils sont à peine finis parce que la croissance de l'embryon chez l'ours est très réduite, hein, c'est à peu près 55 jours, 60 jours. Donc ce qui fait qu'il ça ne laisse pas le temps à faire un petit ours, je dirais entier. Donc c'est une espèce de gros rat qui pèse 500 grammes et donc on a l'impression qu'il n'est pas fini. Et donc il va falloir que la femelle le lèche, on va dire, et que le mette en forme pour arriver à faire un petit ourson qui sortira de la tanière 3-4 mois plus tard et qui là ressemblera effectivement à un petit ours comme on les connaît. Quoi. Donc un ours mal léché, c'est un ours mal fini en quelque sorte. On dit aussi être fort comme un ours, et c'est vrai que ce fort comme un ours, il a inspiré aussi, quand on regarde la médecine traditionnelle, beaucoup de traitements, de thérapies proposaient des extraits d'ours, hein. Vous parlez des samouraïs. La légende dit que les samouraïs buvaient une fiole de bile d'ours pour se donner du courage et de la force avant le combat. C'est ça. Donc, on retrouve dans la pharmacopée, évidemment, orientale, mais pas seulement, Galien aussi, même, préconisé de prendre de la chair d'ours pour l'anémie, par exemple. C'est assez aussi troublant, justement, de voir que l'ours, il intervient aussi pour maintenir, les hommes en forme. Il y avait des guerriers aussi qu'on appelait les berserkirs, qui étaient les guerriers ours, donc qui étaient des guerriers vikings, enfin qui étaient assez terribles. Tout ça, on voit bien que l'homme voudrait bien s'approprier cette force d'une façon ou d'une autre. Alors quand on va tuer l'ours aussi, c'est aussi pour prendre la force de l'ours. Ouais. Alors maintenant, on le fait et on le pense de façon plus scientifique. Hein. On en revient à ces études qui ont lieu en ce moment sur la physiologie de l'ours et ce qui lui permet d'hiberner. Et là, il y a peut-être des traitements pour des pathologies humaines. Expliquez-nous. Oui, alors c'est le sujet de Fort comme un ours, donc que j'ai co-réalisé avec Thierry Robert. Donc c'est assez troublant. Donc cette équipe en Suède est vraiment unique au monde. Donc étudie l'ours, qui est une équipe internationale, donc avec deux chercheurs français, Étienne Lefebvre et Fabrice Berti, qui travaillent sur le muscle, l'atrophie musculaire, parce qu'un ours qui passe 6 mois dans une tanière, eh bien quand il ressort, il n'a pas perdu de muscle ou très peu, et alors qu'un humain qui va rester alité, il va perdre du muscle, hein, ou un astronaute qui va passer un certain temps en apesanteur, il va perdre du muscle aussi. Donc ça, on voudrait bien comprendre comment les ours arrivent à gérer leur masse musculaire. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la masse osseuse. Quand on reste alité pendant très longtemps, bien on va perdre de la masse osseuse. Quand on vieillit aussi, les personnes âgées ou les femmes aussi, avec les changements hormonaux, ont des problèmes de masse osseuse avec l'ostéoporose. Pour le dire très clairement, quand certains ours hibernent pendant 7 mois, un homme qui ne bougerait pas comme ça, qui resterait au lit pendant 7 mois, ses os seraient dégradés, il perdrait sa masse musculaire. Sa masse musculaire et sa masse osseuse, donc qui ne pourrait pas récupérer de toute façon. Donc ces balances, je dirais, masse osseuse et masse musculaire que l'on cherche à voir comment c'est géré, mais il y a aussi des problèmes cardiaques, parce que pendant que l'ours hiberne, eh bien, on pourrait considérer qu'il est en insuffisance cardiaque. On sait qu'il a un taux de plaquettes qui va être modifié aussi quand il va rentrer dans la tanière pour fluidifier son sang. Et le pire, je dirais, de tous, eh bien, ce sont les reins, parce que vu qu'il n'urine plus, eh bien, les reins ne servent plus à grand chose. Ils ne fonctionnent qu'à peu près 5%, et donc ils sont complètement nécrosés. Et donc pour l'homme, eh bien, ce serait définitivement une greffe ou pas du tout. Ce serait un vrai problème. Et bien pour l'ours, une fois qu'il est sorti de la tanière, les reins se réparent. Ouais. Et ça, évidemment, si on trouvait les moyens trouver les protéines, les molécules qui gèrent ce processus, ce serait assez extraordinaire. Alors, parmi les scientifiques que vous avez rencontrés, il y a Étienne Lefay, hein, vous le citiez, biologiste à l'INRA. Il teste les effets du sérum d'ours. Alors, le sérum, c'est le sang débarrassé de ses cellules et des protéines coagulantes. Donc, il teste l'effet du sérum d'ours sur des cellules musculaires humaines. Bon, donc là, on est sur la dernière série. Sur la dernière manip, sur les cellules musculaires humaines traitées au sérum d'ours. Donc là, on voit bien les myotubes humains avec le sérum d'ours d'été. Donc ils sont plutôt longs, fins. Et là, tu vas voir la différence avec le sérum d'hiver. Oh, c'est flagrant. On remarque tout de suite la différence de taille avec les cellules qui sont beaucoup plus grosses. Donc là, on a vraiment un effet majeur sur la quantité de protéines dans les cellules musculaires. En fait, les cellules musculaires, quand elles sont en présence de sérum d'ours d'été, donc de l'ours actif, elles se comportent tout à fait normalement. La vraie différence, elle apparaît quand ces cellules musculaires humaines sont en présence du sérum d'hiver. Et c'est là que les transformations s'opèrent sur la cellule et que le contenu en protéines change et notamment augmente. Et c'est tout ce qu'on cherche à faire pour soigner les gens, c'est d'augmenter la quantité de protéines dans le muscle humain. Un nouvel extrait de votre film « Fort comme un ours », Rémi Marion. On a un début de piste. Il semble que dans ce sang de l'ours, en tout cas de l'ours qui hiberne, il y a une ou plusieurs molécules qui a une action très concrète, y compris sur des cellules musculaires humaines. C'est très troublant, parce que là, évidemment, on passe la barrière des espèces. Hein, ce que l'on aperçoit avec les travaux d'Étienne et Fabrice, c'est que c'est certainement pas un processus qui va gérer que le muscle ou que la masse osseuse, mais c'est aussi un ensemble, je dirais, un processus qui va gérer justement aussi bien le cœur, les reins. Et donc évidemment, si on trouvait ces molécules-là, ce serait tout à fait extraordinaire, parce que on soignerait des millions de personnes, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. Ouais. Il reste à trouver les molécules. On est sur des débuts de piste. Faut pas non plus donner de faux espoirs. On est sur des débuts de piste, mais ils avancent bien. En particulier Étienne et Fabrice sur leurs travaux à l'INRA et au CNRS. Donc c'est intéressant. Alors vous nous avez dit, hein, tous les ours, toutes les espèces d'ours n'hibernent pas. Et chez l'ours polaire, seule la femelle hiberne. Le mâle n'hiberne pas, alors qu'il est pourtant des conditions. Il fait très froid, hein, pour l'ours polaire. Pourquoi il n'hiberne pas ? Pourquoi il n'hiberne pas ? Parce que l'ours polaire, pendant l'hiver, lui, il a à manger. Parce que quand il y a de la banquise, il y a le pont nécessaire pour que l'ours polaire puisse chasser le phoque. Donc lui, sa période, je dirais, de vie au ralenti et de léthargie, ça va être pendant l'été. Quand la banquise a disparu et qu'il n'a pas accès à une nourriture abondante. Je dirais de juillet à octobre. Alors les femelles qui hibernent sont uniquement les femelles gravides. Donc celles qui vont avoir des petits et qui vont mettre au monde 2 à 3 petits au mois de décembre et ne sortiront qu'au mois de mars avec leurs jeunes, quoi. Et finalement, un ours polaire, un ours blanc et un ours brun, c'est très différent, à part la couleur, j'entends physiologiquement. Est-ce qu'ils sont très différents, ces ours? Non, ils sont pas très différents. Ils sont très, très cousins, même on sait qu'ils peuvent s'hybrider. Ça, on en parle, et on en parle trop, je dirais, même parce que c'est quand même quelque chose qui a été observé grâce à la génétique. On a pu le démontrer. À chaque fois qu'il y a des changements importants de température sur la planète, eh bien, ils se croisent et ils s'hybrident. Et on sait que les hybrides sont fertiles. Donc on s'aperçoit aussi quand même que les deux espèces sont très très proches. Ours blanc peut avoir des petits avec un ours brun. Et c'est ça. Et alors le nom des petits, c'est assez étonnant, c'est Grolard ou Pizzly. Pizzly, voilà. Pourquoi? Pizzly, c'est plus joli parce que c'est des contractions entre polaire et grizzly. Ouais. Bon, c'est pas très très joli, quoi. Non, Grolard. Donc, Grolard, c'est pas très joli. Alors bon, ça a été observé aussi en captivité. Il y en a eu dans certains zoos en Allemagne et en France. C'est assez anecdotique, mais on sait que dans tous les ours polaires, il y a des traces de gènes d'ours brun. Et vous comprenez aujourd'hui l'engouement, la passion qu'il y a autour de l'ours polaire. On parle beaucoup plus des ours polaires que de tous les autres. D'ailleurs, c'est devenu le symbole du changement climatique et de la menace du changement climatique sur la biodiversité. Vous comprenez Oui, bien sûr, je le comprends. Mais ce que ça, c'était le sujet de mon précédent ouvrage, Géopolitique de l'ours polaire, c'est que je comprends tout à fait, mais on instrumentalise aussi beaucoup. Et c'est un petit peu là-dessus que je m'insurge, parce que il y a beaucoup de gens qui forcent le trait. On sait que les derniers chiffres de population d'ours polaires qui sont centrés autour de à peu près 27 000 individus sont supérieurs aux chiffres précédents. Donc ça pose problème d'ailleurs pour les gens qui communiquent sur la disparition de l'ours, parce que c'est pour l'instant pas le cas. Il est très menacé effectivement par le réchauffement, mais pas que, par la pollution, par le dérangement et ainsi de suite. Mais il faut pas le dire en voie d'extinction non plus. Quel sera l'avenir des ours? Les ours bruns ont-ils encore leur place dans les Pyrénées? Nous allons aborder la question avec notre invité Rémi Marion dans un instant dans La Tête au Carré sur France Inter. Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the burn. Back on my tiptoes, oh, watch me shudder. By my own will, I'm here for the fun. No matter where I start, I know very well where this ends. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the burn. Et c'était Burn de Lou Doyon, la programmation musicale de La Tête au Carré, signée Thierry Dupin. La Tête au Carré, Daniel Fievé. Alors voilà notre petite mission. Tu vois cette chose dorée qui pend là-haut? Ça s'appelle du miel. Tout ce que tu devras faire, mon grand, pour t'acquitter de ta dette, c'est grimper, escalader jusqu'à là-haut, attraper cette chose qui fait un drôle de bruit et redescendre avec. Tu plaisantes, j'espère. Non, pas vraiment. Non, c'est trop dangereux. Tu pourrais me tuer. Petit, attends. Essaie de comprendre. Je suis un ours brun. Ça signifie que je dois manger mon poids en nourriture chaque jour afin de pouvoir hiberner. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais je ne sais pas grimper et toi, tu en es capable. Écoute, l'hiver arrive et j'ai vraiment besoin de ton aide. Tu ne voudrais pas que je m'endorme et que je ne me réveille pas? Extrait du livre de la jungle, version 2016, avec l'ours Balou auquel Lambert Wilson prête sa voix. Lambert Wilson qui signe la préface de votre livre, Rémi Marion, L'ours, l'autre de l'homme, chez Actes Sud et Arte Éditions. Et dans sa préface, d'ailleurs, Lambert Wilson s'excuse auprès de l'ours. Je cite quelques lignes. « Ours, je te dois des excuses. Je ne savais rien sur toi, finalement. Je m'étais arrêté au cliché. Tu étais gourmand. Débonnaire, pataud, comique, sympathique, certes, mais tu n'avais pas le mystère ni l'élégance des félins, par exemple, leur supérieure indifférence. Tu étais un rustre goulu à l'intelligence épaisse, dangereux et vorace. Je t'avais réduit à une image pour parc d'attractions. » Il a changé d'avis après avoir lu votre ouvrage, Rémi Marion. Oui, il y a un petit peu de ça. On a échangé avec Lambert sur le sujet. C'est vrai que, bah, il a, je pense, appris pas mal de choses, j'espère. Et c'est vrai que il faut aussi un petit peu gratter toutes les imageries d'Épinal qu'on peut avoir autour de l'ours. L'ours, c'est beaucoup plus complexe que le nounours et tout ce qu'on peut en dire. Et c'est aussi ce qui le rend complètement intéressant, quoi. Alors, après toutes ces années d'observation sur le terrain, hein, je le rappelle, vous êtes parti depuis plus de 30 ans aux quatre coins du globe pour observer ces ours. Vous vous êtes fait une idée sur le véritable tempérament, sur le caractère des ours? Je dirais que les ours, ils sont comme les humains. Ils ont des personnalité. Donc il y a des gens, oui, comme je l'ai dit, il y a des ours, là-dessus sera intéressant. Il y a des ours qui sont super cool, il y a des ours très timides, il y a des ours qui vont être potentiellement dangereux, voire très dangereux. Moi j'ai vu dans des fratries vraiment des ours aventuriers et puis l'autre qui était plutôt archi timide. Donc c'est aussi ce qui les rend vraiment intéressants. Vous vous êtes fait des frayeurs parfois en allant sur la piste de ces ours? Alors avec l'ours brun pas trop, parce que je suis dans des zones où il y a de l'abondance de nourriture, entre autres au Kamchatka, et donc là il y a pas trop de soucis. Avec les ours polaires, il y a eu des périodes un peu particulières, ouais, un peu chaudes, comme on dit, ouais. Ouais. C'est chaud avec les ours polaires, ouais, c'est ça. C'est un chaud et froid. Alors, il n'y a pas si longtemps, il ne fallait pas aller jusque dans ces régions pour les observer, ces ours. En France, en Europe, ils étaient très présents. Oui, ils étaient très présents et on peut dire aussi qu'ils sont encore relativement présents, hein, dans des régions comme l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, en Pologne aussi, et puis dans les pays baltes, donc en Slovénie aussi où il y a une très très belle population d'ours. Ils ont disparu en France. Alors effectivement, c'est un peu encore une exception française. Alors ils ont disparu des paysages, mais ils sont encore présents dans la toponymie des lieux, dans les noms de villes et de villages de France. Complètement. Par exemple, la ville de Montargis, pas loin de Paris, eh bien, il y a la source Arts qui est l'ours en celte, et donc c'était la montagne de l'ours. Ouais. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Et puis en Europe Berne, aussi, Berlin, Orcières, voilà toutes ces grandes villes. Dinard, donc... Ploërmel en Bretagne, Cambernon en Normandie, tout ça dans les la racine dans les... de l'ours, ouais, qui est pas loin. Et donc c'est ça aussi qui le rend vraiment omniprésent. Il est présent dans la culture, mais même des prénoms aussi. Bernard, Bertrand, par exemple, sont des prénoms qui sont issus du mot ours, Bern en allemand, quoi. Alors l'ours a fait partie du décor pendant longtemps. Aujourd'hui, sa présence, en tout cas sur notre territoire, est beaucoup plus discrète. Combien d'ours aujourd'hui dans les Pyrénées? Alors j'espère qu'on va atteindre les 50 individus au printemps là, parce qu'avec le retour des deux femelles slovènes au mois d'octobre qui sont, on espère, gravides, bien on devrait passer les 50. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Elles ont été déposées en hélicoptère, ça a fait bien obligé. Ça a fait un peu de débat hein, dans la région en tout cas. Certains, elles n'étaient pas les bienvenues pour tout le monde, on va dire. Oui, ce qui est complètement dommage parce que bon, il y a quand même aussi de l'instrumentalisation politique autour de tout ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a la chance d'avoir une espèce aussi emblématique que l'ours, aussi protégée que l'ours, eh bien, ça devrait être gagnant-gagnant. C'est-à-dire que on devrait profiter de la présence de cet animal pour protéger les régions, parce que si l'ours est présent en montagne, eh bien, ça m'étonnerait qu'on mette une autoroute, un tunnel ou une piste de ski, quoi. Mmh. Donc, les éleveurs aussi ont intérêt à protéger l'ours parce que ça protège leur environnement. Alors, je vous propose d'écouter la voix d'un éleveur, d'un berger dans les Pyrénées, inquiet pour son troupeau. C'est un calvaire, c'est comme une guerre. Hein. Tous les jours, vous pensez à ça, vous voyez les bêtes prédatées tous les deux ou trois jours. Ça dépend du temps, dès qu'il y a le mauvais temps, c'est-à-dire le brouillard et tout ça, vous dites aujourd'hui vous allez y passer, et puis le lendemain, vous surveillez les vautours. faut voir s'il y a eu des bêtes prédatées. C'est plus de vie, quoi. Non, on n'élève pas les brebis pour les faire prédater, c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, aujourd'hui, on a ces ours, il y en a plusieurs aujourd'hui, ils se sont reproduits. Et aujourd'hui, niveau ovins ici, il faudrait presque les enfermer tous les soirs, parqués, électrifiés, ça devient inquiétant. Hein. Les craintes de Michel Estrémé, qui est berger en Ariège. Nous étions en mai 2018, donc avant que l'on réintroduise deux ours slovènes supplémentaires. Vous comprenez? Ils ont été réintroduits dans l'ouest, hein, pas en Ariège, pas en Ariège. Dans l'ouest des Pyrénées, oui. Vous comprenez les craintes de ce berger? Oui, non, mais bien sûr. Le problème déjà, c'est qu'il faut prendre toutes les précautions. Et puis le problème aussi, c'est que là, on passe un extrait d'un berger qui se plaint de la présence des ours. Mais il y a aussi des bergers qui sont très contents de la présence des ours. Parce que ça valorise aussi la montagne. Ça valorise leur travail aussi, puisqu'un berger, s'il a plus besoin de protéger son troupeau, ben, il sert plus à grand chose. Et il y a des solutions, comme les chiens patous, par exemple, qui protègent aussi bien des ours et aussi des chiens errants qui sont beaucoup plus menaçants que les ours, sans compter les loups qui vont pas tarder à arriver dans les Pyrénées, donc ils ont plutôt intérêt, je dirais, à se mettre tout de suite en position de protection des troupeaux, parce que l'ours, il est à 80% végétarien, donc il consomme relativement peu de viande, mais évidemment, il est pas fou l'ours, hein, il va s'attaquer plutôt aux troupeaux qui ne sont pas protégés. Alors la présence de l'ours dans les Pyrénées, pour vous, c'est un symbole ou ça a un impact positif direct sur les écosystèmes, sur la biodiversité de cette chaîne de montagnes? C'est une biodiversité, je dirais, qui est complète, hein, et on le sait que l'ours, c'est aussi un jardinier, par exemple, en montagne, c'est un animal qui va retourner beaucoup de rochers, qui va manger beaucoup de végétaux, et donc dans ses fesses, eh bien, on va retrouver les graines qui va disperser un petit peu partout, donc la présence de l'ours est aussi importante pour la diversité végétal du milieu alpin, enfin ou pyrénéen, et donc c'est aussi important d'avoir des ours, et c'est pas simplement une vue de l'esprit pour des écolos bobos comme ils disent souvent, c'est, je dirais, une nécessité pour la montagne, et ça devrait être une nécessité en plus pour les montagnards qui sont là-bas s'ils veulent préserver leur montagne. Aujourd'hui, plus généralement, pour terminer, l'avenir de l'ours, vous le voyez comment? Est-ce que c'est une espèce? Est-ce que ce sont des espèces, puisqu'il y en a 8 qui sont menacées? Alors, il y a des espèces qui sont très menacées, hein. L'ours des cocotiers est très menacé parce qu'il est utilisé comme animal de compagnie en Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est vraiment l'espèce la plus menacée. Le grand panda a été sauvé, je dirais, maintenant il atteint un niveau relativement important grâce aux efforts des Chinois. Il y a l'ours à lunettes aussi en Amérique du Sud qui est assez menacé parce que, ben, justement, les cultures prennent du territoire. Pour l'ours brun est assez opportuniste, il vit relativement bien à proximité des hommes, il a une population relativement importante, et puis dans nombreux pays en dehors de la France, par exemple comme la Slovénie ou en Suède, on est passé de 300 à 3000 en 30 ans, donc quand on le protège bien, eh bien tout le monde en profite. Merci Rémi Marion, je rappelle le titre de votre livre « L'ours, l'autre de l'homme » chez Actes Sud et Arte Édition. Je signale aussi le dernier numéro de la revue « Le courrier de la nature » édité par la Société Nationale de la Nature. Numéro spécial sur l'ours, ours, défis et reconquêtes, avec notamment un article de vous et du géographe Farid Benamou. Et puis, le 26 janvier prochain à 22h30, sur Arte, fort comme un ours. Un grand merci à vous. Merci Damien. Et pour commencer l'année en pleine santé, nous avons rendez-vous avec le docteur. France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel. Alors pour bien démarrer 2019, vous nous proposez un petit bilan de l'année 2018. Bah oui Daniel, 2018 a été une année particulièrement riche en surprises dans le domaine de la santé. Et c'est parti très fort en janvier avec la publication d'une synthèse qui remet en cause une pratique très répandue, la prescription de vitamine D et de calcium pour renforcer les os. Et alors? Eh bien alors, cette méta-analyse démontre que ces apports sont inutiles, voire délétères pour les os jeunes et les vieux. Sauf peut-être pour ceux qui vivent en EHPAD, les maisons de retraite. Ces résultats sont incontestables, mais reste à voir le temps que vont mettre mes confrères à en tenir compte, et d'après ce que j'observe depuis un an, c'est pas gagné. Alors, en février, c'est l'huile de poisson gras censée protéger nos artères qui passe à la trappe. La synthèse des études réalisées depuis 30 ans ne montre aucun bénéfice pour les cardiaques. En effet, ça c'est une petite révolution. Bah oui, c'était un mythe construit en grande partie sur la rareté paradoxale des infarctus chez les Esquimaux, grands consommateurs de graisse animale, mais on avait oublié un détail, l'absence de sucre dans leur alimentation, absence qui explique sans doute ce paradoxe. Devenus des Inuits sédentaires et buveurs de soda, ils font désormais des infarctus comme tout le monde. Alors attention, il s'agissait de compléments alimentaires contenant des huiles de poisson. Nous n'avons pas de données sur la consommation des poissons gras en tant qu'aliment. Le mois de mai a été celui du vin, avec une synthèse scientifique qui fait date en matière d'impact du vin sur l'espérance de vie. Alors ça, c'était arrangé plutôt dans les bonnes nouvelles de l'année? Oui, sachant néanmoins, bien sûr, que l'impact du vin sur la santé mentale, les comportements sociaux, la conduite automobile sort du champ de cette publication. Mais en tout cas, la consommation de vin, allant jusqu'à une demi-bouteille par jour, n'est pas associée à un excès de mortalité, contrairement à la cuite du week-end ou aux alcools forts. Ce simple constat, purement statistique, ne peut suffire à encourager ni banaliser la consommation de vin. En revanche, il confirme qu'aucun argument scientifique ne permet actuellement de prétendre qu'une consommation de vin régulière et modérée diminue l'espérance de vie. Alors, bon, je vais passer plus rapidement sur d'autres révélations ou confirmations concernant notre santé. Les auditeurs intéressés trouveront les détails sur le site de France Inter en cherchant « santé polémique ». Et donc, en vrac. Les médicaments destinés à la maladie d'Alzheimer sont plus nocifs qu'utiles et ne sont donc plus remboursés. L'aspirine à petite dose quotidienne pour éviter l'infarctus ou l'AVC ne doit concerner que les sujets à risque du fait des risques d'hémorragie, notamment cérébrale, liés à son usage. Donc, pas d'automédication sauvage, y compris après 60 ans, l'aspirine n'est pas un médicament anodin ni un bonbon. Ensuite, il n'y a pas lieu de faire un électrocardiogramme de routine ou une épreuve d'effort chez les sujets bien portants qui ne se plaignent de rien. Et enfin, les échographies vaginales ou rectales n'exposent pas à un risque de transmission de maladies infectieuses si les consignes d'hygiène élémentaires sont respectées. Cette légende a été colportée par ceux qui soutiennent les intérêts de fabricants d'appareils de stérilisation. Il y en a eu des mises au point pour cette année 2018. On verra ce que nous réserve 2019. Merci Dominique Dupagne et à mardi prochain. À bientôt Daniel. Et dès demain, vous aurez le plaisir de retrouver Mathieu Vidard aux commandes de La Tête au Carré.